إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala a rapporté dans son sahih le fameux hadith de Jibril lorsque ce dernier alayhi salam s'est rendu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un homme wa hadha bi wujud as-sahaba, en présence des sahaba radhiyallahu anhum, et de là il posa plusieurs questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en vue d'enseigner aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن هذه الأسئلة قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. Il a dit au Muhammad, informe-moi de la foi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Il a dit la foi c'est que tu crois en Allah, en ses messagers, en ses livres, en ses anges, au jour dernier, qu'ils soient bons ou mauvais. فمن الإيمان بالله أن تؤمن بأسمائه وصفاته. Parmi cette foi en Allah عز وجل, le fait de croire en Allah سبحانه وتعالى, il est obligatoire de croire en ses plus beaux noms et en ses meilleurs attributs. Quand tu crois en ses attributs, en ses noms. Car Allah Azza wa Jal a des noms. Et ce sont les noms les plus beaux, là. Asma al-Husna, wa lahu sifat al-Ula, les meilleurs sifat, les meilleurs attributs. Comme a dit Allah Ta'ala, wa lillahi al-mathalu al-a'la, wa huwa al-azizu al-hakim, que Allah est le qualitif le plus haut, suprême, et qu'il est le puissant et le sage. Wa qala subhana, wa lillahi al-asma al-Husna fad'uuhu biha, et que Allah Ta'ala revienne le plus beau nom, invoquez-le avec. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont, comme on dirait en français, ou bil arab, et a'lam. En arabe, ça s'appelle a'lam, a'lam, yani des noms propres, par lesquels on sait de qui on parle. Tadoul ala mu'ayyan. Et également des descriptifs, sifat. C'est-à-dire que lorsqu'Allah azza wa jal a un nom, ce nom lui revient à lui et indique son essence. Et également, ce nom a un sens, et ce sens renferme un attribut qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à la créature. Un être humain pourrait s'appeler, par exemple, Saleh. Saleh. Saleh, c'est un nom propre en arabe, le nom d'une personne. Et c'est également un qualificatif, une personne pieuse. Est-ce que toute personne qui s'appelle Saleh est forcément pieuse? Là. Lakin fi haqqi Allah azza wa jal, أسماؤه أعلم وأوصاف. Pour Allah, ce n'est pas pareil. Un nom que Allah se sera attribué sera un nom qui sera considéré comme étant, comme on dit en français, un nom propre, qui lui revient à lui également, cela aura un sens et renfermera un attribut qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Car chaque nom renferme forcément un attribut qui va avec, et non le contraire. Chaque nom d'Allah Azawajal inclut un attribut qui va avec, ou plusieurs même. Et l'attribut le plus noble que l'on puisse trouver chez la créature, huwa al-ilm, c'est le ilm, la science, le savoir. Le seul attribut qu'Allah Azawajal a ordonné à son messager de demander, qu'il lui rajoute. Faqat, wa qul rabbi zidni ilma, et dit, oh mon Seigneur, ajoute-moi de la science, du savoir. Il ne lui a pas dit, ajoute-moi de la dunya, de la richesse, une longue vie. Il lui a dit du savoir. Et c'est par cet attribut qu'Allah Azza wa Jal élève ses serviteurs, ibadahu, bil ilm. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wa allazina utul ilm darajat. Que Allah élève ceux qui ont cru parmi vous, ainsi que ceux qui ont reçu la science, en degré. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wa allazina la ya'lamuna innama yatazakkaru ulul albab. Dit, est-ce que sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et ce ne se rappellent que les doués d'intelligence. Donc, au vu de la valeur des êtres dotés de cette noble attribut, Allah est plus en droit de l'avoir. Ala yusamma bil qiyas al awla, que les choses qui sont de grande valeur reconnues comme étant qu'un bien, que Allah Azawajal est encore plus en droit de se l'attribuer. Mais cela de façon incomparable, car il n'y a rien qui est comme lui. Laysa ka mithlihi shay, il n'y a rien qui est comme Allah Azawajal. Et parmi ces Asma al-Husna, ses plus beaux noms, il y a Al-Alim. Al-Alim. C'est-à-dire, en français, traduit par l'omniscient. Ou Al-Alim, adat adamman sifat al-ilm, qui implique l'attribut du savoir, du ilm. Et Allah Azawajal s'est attribué ce nom dans beaucoup de versets. Tanzilul kitab min Allahi al-Aziz al-Alim. La descente d'un livre qui provient d'Allah, le puissant, le sage, Al-Aziz al-Alim. Allah lui-même s'est qualifié de la sorte et s'est nommé de la sorte. Malaikatuhu, ses anges également, le savent et l'ont affirmé. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allah leur a annoncé qu'il allait mettre Adam comme khalifa, l'être humain comme khalifa sur l'ard. Ils ont dit, et que après Allah leur a prouvé que Allah avait plus de que Adam alayhi salam savait des choses qu'ils ne savaient pas. Qalu, dans le sens, ils ont dit, gloire à toi, ou que tu sois exempt de tout défaut, nous n'avons aucun savoir, si ce n'est ce que tu nous as enseigné, et tu es certes l'omniscient et le sage. Innaka antal alimul hakim. Ses envoyés, alayhi salam, l'ont affirmé également, ses prophètes, ses messagers. Wa iz yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'il wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim. Lorsque Ibrahim justement établissait les fondations de la maison avec Ismaïl, ils ont dit: oh Allah, notre Seigneur, accepte de nous, car tu es certes le parfaitement audient et l'omniscient, as-samiu al-alim. Ses awliyas, ses rapprochés, l'ont reconnu également. Yaqulu subhana إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Lorsque la femme de Imran a dit: ô mon Seigneur, je t'ai certes voué en toute exclusivité ce qu'il y a dans mon ventre, alors accepte de moi, car tu es certes le Samir, l'Omni, celui qui est parfaitement audient, et le Alim, celui qui est l'omniscient. Les mushrikoun eux-mêmes, ardaullah, pour les théistes eux-mêmes qui ont osé nier certains noms d'Allah, comme Ar-Rahman ou Ghayr Zalika, ont affirmé ce nom, Al-Alim. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Si tu venais à leur demander qui donc a créé les cieux et la terre, ils diront certes, ils ont été créés par le Tout-Puissant et par l'Omniscient, Al-Azizu Al-Alim. Ils étaient des Arabes, au sens pur du terme, c'est-à-dire cette langue, ils la connaissaient parfaitement, ils savaient très bien ce que voulait dire Al-Alim. Donc Allah sait tout, un ilm qui n'a jamais été précédé de nuances, de jahl, il ne sera jamais atteint d'oubli. Wa ma kana rabbuka nasiya, et que ton Seigneur n'oublie pas. Un ilm qui englobe toute chose. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Que Allah, rien ne lui échappe sur terre ni dans les cieux. Wa ya'lamu ma fil barr wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumati al ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Il sait ce qu'il y a sur terre et dans la mer et tout ce qui tombe comme feuille. Il ne tombe pas une feuille sans qu'il ne le sache, ni une graine dans les ténèbres de la terre, ni une chose humide ou une chose sèche sans que cela soit dans un kitab explicite. Toute chose, rien ne lui échappe. Un livre explicite dans lequel tout fut inscrit par la plume. Comme a dit le hadith Ubad ibn Samit, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala awwalu ma khalaqa Allah al-qalam thumma qala lahu uktub قال وما اكتب قال القدر قال فكتب ما يكون وما هو كائن الي ان تقوم الساعه. Que dès que Allah a créé la plume, il lui a dit: écris. Et la plume m'a dit: que dois-je donc écrire? Il a dit: القدر, le destin. Donc la plume a écrit tout ce qu'il y a et tout ce qui se produira jusqu'à ce que vienne l'heure. Et ce ilm, justement, ce ilm, c'est parmi les marahil du qadar, ce sont parmi les étapes du qadar. Car le qadar est de quatre étapes. La première, c'est l'ilm, que Allah a su les choses. La deuxième, l'kitaba, que Allah justement a fait écrire les choses. في اللوح المحفوظ. Ensuite, al-mashi'a, que Allah a voulu la chose. Et celle-ci, qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas, Allah l'a voulu, elle a eu lieu. Elle a voulu plutôt, et ensuite Allah Azza wa Jal l'a créée. C'est-à-dire cette chose s'est produite. Qui n'est pas une chose qui s'est produite. Fi hadi dunya, sans que Allah l'ait voulu au préalable. Et que cela a été écrit. Et que Allah l'a su. Hadi marahil al-qadar. Donc Allah sait ce qui est. Et sait ce qui aurait été de ce qui n'a pas eu lieu. Dans les choses que les gens s'imaginent, ça aurait été comme ceci, tu ne sais pas, mais Allah le sait lui. Si telle chose n'avait pas été faite, qu'est-ce qui serait produit à sa place? Wa akadha. Kama qala subhana, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, wa law ruddu la'adu lima nuhu anhu, wa innahum lakathibun. À propos des kuffars, il a dit qu'il aurait apparu ce qu'ils cachaient auparavant, et que si jamais ils étaient revenus, c'est-à-dire à la vie, ils auraient recommencé ce dont ils ont été interdits. Car ils sont des gens qui mentent. Pourquoi? Parce qu'une fois que les kuffars seront dans le feu, ils diront Ya laytana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin. Ils diront pauvre de nous que nous revenions à la vie afin que nous puissions démentir les versets de notre Seigneur, c'est-à-dire que nous allons y croire et que nous soyons du nombre des croyants. Malgré cela, Allah Azza wa Jalla sait qu'ils mentent, qu'ils savent qu'ils étaient revenus à la vie, ils auraient recommencé à m'y croire. Donc Allah le sait malgré tout. Et dans un grand nombre de versets, Allah s'est attribué le ilm en y ajoutant également al-hikmah, la sagesse. Le fait de mettre une chose à sa place. Contrairement à l'homme, l'être humain, cette vile créature dont la base est l'ignorance et l'injustice. Qu'il était certes grand injuste et ignorant. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wa al-af'idah. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Que Allah vous a sorti du ventre de vos mères alors vous ne saviez rien du tout, et qu'il vous a accordé l'ouïe ainsi que la vue et le cœur afin que vous puissiez remercier, afin que vous puissiez remercier. Et l'homme ne sait que ce que Allah lui a enseigné. اِقْرَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمُ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ. Lis, car ton Seigneur est le plus noble, celui qui a enseigné par la plume, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et malgré tout, cette science que Allah a accordée à l'homme n'est qu'une chose infime, minime, de faible quantité. Comme a dit Subhanahu wa ma utitum min al-ilm illa qalila. Cependant, vous n'avez reçu que très peu de savoir. Et ce peu de savoir que l'être humain a reçu, il est amené à l'oublier. Ce n'est même pas une chose qui est stable. Comme a dit Subhanahu وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Que Allah vous a créé, puis vous a fait mourir. Et par certains d'entre vous seront ramenés à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, ils ne puissent rien savoir. L'homme âgé commence, comment dire, à devenir sénile et oublier. Tout ce qu'il a appris, il l'oublie en général. Il l'aime, rahimahullah. Et combien, justement, lisent et connaissent ces versets au sens limpide, et malgré tout, subhanah, ils se permettent de remettre en question la sagesse des décrets d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de ses ordres, des lois, de sa législation. Ils veulent même les changer, voulant par cela, d'après ce qu'ils prétendent, l'intérêt général pour les gens. Yani, comme on le voit dans cette époque, ils délaissent la sharia, shar'ullah, al-kamil, shamil, الذي في مصالح العباد في الدنيا والآخرة. Ils veulent les changer pour juger par al-ahkam al-wad'iyya, par les lois humaines, pour différentes raisons. قال سبحانه اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. Et suis ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. لا إله إلا هو. Nulle divinité n'est adorée en dehors de lui, et détourne-toi des associateurs. Ou d'autres veulent faire passer leur raison sur les versets du Coran ou sur les ahadith as-sahiha. Ils font passer leur compréhension sur celle des sahaba, des salafs, pensent comprendre mieux que eux. Et pire encore, des kuffars qui vont encore plus loin que cela, comme vous le savez, ils font preuve d'un kibr, azim, d'un orgueil immonde, à tel point que certains d'entre eux en sont arrivés à nier carrément l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala malgré tous les éléments évidents devant eux. Une fois que l'homme détient ce qu'il pense être dans sa maslaha, il devient orgueilleux. Kalla inna al-insana layatagha arrahu stagna inna ila rabbika larji'a. Que l'homme devient, justement, se met à outrepasser. Et il se voit comme pouvant se suffire à lui-même. Et c'est vers ton Seigneur qu'aura lieu le retour. Tu reviendras vers Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu nies son existence, tu reviendras vers lui. Et cela se base sur ce qu'ils imaginent avoir obtenu. Obtenu comme savoir. Alors que cela n'est que de la pure ignorance, du genre le plus abject qui soit, de l'ignorance qui s'appelle al-jahl al-murakkab, qui est ce qu'on appellerait l'ignorance aggravée, c'est-à-dire le fait que tu ne sais pas, tu ignores, et tu ignores que tu ignores. C'est-à-dire tu sais, tu penses savoir, tu ne sais pas. C'est la pire forme d'ignorance qu'il puisse avoir. Le savoir de ces koufars, aussi large peut-il paraître à nos yeux, et cela par leurs inventions, par leur technologie, par leur avancée, comme ils le prétendent, moderne, cela ne reste que superficiel et ne leur apportera aucun profit pour obtenir la réussite fil akhira, dans l'au-delà. Ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya wa hum 'an al-akhira hum ghafilun. Qu'ils ne connaissent qu'un apparent de la vie de ce bas monde, alors qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqa Allah as-samawati wal-ard wa ma baynahuma illa bil-haqq wa ajrin musamma wa inna kathiran min an-nas bi liqa'i rabbihim la kafirun. Ne se mettraient-ils pas donc à réfléchir sur leur propre personne en création en eux-mêmes, que Allah n'a pas créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, ce n'est par vérité et pour un terme déterminé, et que beaucoup de gens, justement, sont mécréants, mécroyants envers la rencontre avec leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné tous les éléments suffisants pour qu'ils reconnaissent sa présence, son existence, et malgré cela, ils en sont arrivés pour beaucoup au stade de nier cela. Donc à quoi leur sert le ilm? À quoi? C'est comme si on avait des gens qui inventeraient un moyen de produire une lumière diurne, une lumière de journée, par je ne sais quel procédé sophistiqué, au point de l'oublier que le soleil existe. Le soleil, il est là à la base. Et sa lumière est la meilleure qui puisse être. Malgré cela, la personne cherche à trouver des procédés pour avoir une lumière diurne. Ça lui sert à quoi? Tout ce qu'il va faire, à rien du tout. Même au sein de notre Ummah, beaucoup, on va voir, la plupart d'entre eux sont atteints partiellement de cela. C'est-à-dire le peu de considération qu'ils donnent au savoir, au ilm d'Allah Azzawajal, ainsi qu'à sa hikmah. Cela, c'est le fruit de notre jahl, de notre ignorance et de notre vision matérialiste. De nous baser que ce qui est visible ou palpable, ou ce qui a été expérimenté par l'homme. Hada yujbir kalam al-yahoud, comme a dit Ta'ala, wiskultum ya Moussa. Comme l'ont dit les juifs à Moussa, nous ne croirons en Allah, nous ne croirons pas en toi, tant que nous ne verrons pas Allah. Il y en a, ils ont cette falsafa de dire, je ne crois que ce que je vois. Mais tu ne vois quasiment rien à la base. Et combien de choses que l'être humain ne voit pas, alors qu'il y croit pourtant. Des choses qui ne sont pas palpables, comme sa raison. Des choses qui ne sont pas palpables, en quelles il croit, et pourtant il te dit, je ne crois que ce que je vois. C'est-à-dire qu'on cherche une logique en religion, je parle là des croyants, une logique, une explication, là où il n'y en a pas forcément. Dans beaucoup de l'écrit d'Allah, le but ce n'est pas de savoir pourquoi la hikmah, mais c'est d'agir. C'est de mettre notre soumission et notre obéissance à l'épreuve. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, à propos du mas sur les khouf, sur les pantoufles, cette mas Allah, il a dit un kalam qui est azim, qala, لو كان الدين بيري لكان أسفل الخوف أولى من المس من أعلاه ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أغلى أو ظاهر خوفي. Il a dit si la religion était basée sur la raison directement, alors le dessous des pantoufles aurait été plus en droit d'être essuyé que le dessus. Pourtant j'ai vu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم essuyer au dessus de ses pantoufles. Donc qu'est-ce qu'on fait? On agit comme il l'a fait. Comme il l'a fait, nous avons dit de le faire. كذلك قال أبو زيناد قال إن السنن ووجوه الحق لا تأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لديه ابن الزناد رحمه الله تعالى beaucoup de sunan ou de choses reliées à la vérité dans la religion viennent en opposition à ce que la raison pourrait concevoir. Ça ne vient pas comme on pourrait le concevoir. Pourquoi ? Car le mot c'est moralité doit suivre et non pas forcément chercher à comprendre en toute chose ou savoir c'est quoi la hikmah, la sagesse et le pourquoi. Il doit agir. L'exemple qu'il donne, par exemple, la femme qui s'est menstruée doit rattraper le siyam, mais n'attrape pas la salat. Alors quelqu'un devrait se dire, elle va rattraper la salat également. On dit, ben non, justement. Elle rattrape son siyam, mais pas la salat. Pourquoi ? Ce n'est pas une chose qui nous revient de savoir. On a juste à agir. Juste à agir. Comme l'a dit Aïcha. Elle a dit à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on avait nos menstrues, on rattrapait notre siyam et pas la salat. C'est tout. Pourquoi ? Il n'y a pas de pourquoi, c'est comme ça qu'on agissait. Regarde un exemple à l'échelle humaine. Des gens vont sur, chez des experts, dans quelques domaines que ce soit. Des domaines qui sont totalement ignorants. Ils font confiance aux pronostics et aux diagnostics et analyses et études de ces experts. Et pourtant, lorsque c'est Allah Azzawajal qui nous a, lui, qui nous a créés, ainsi que tout l'univers, dans toute son immensité, et dont la création dépasse notre entendement, et pourtant lorsqu'il nous informe d'une chose dans son livre, qui est sa parole incréée et parfaite, qui ne contient que la vérité, ou par le biais de son messager sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, lorsqu'il nous est parvenu authentiquement de sa sunna, nous trouvons encore le moyen de douter, de rester sceptique, de demander comment, de demander pourquoi, de demander quel est le hikmah de ce décret avant d'agir, comme si Allah Azzawajal avait quelque chose à nous prouver ou qu'il nous était redevable. وَلِعَذُ بِاللَّهِ لَا يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْحَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ. Il n'est pas interrogé de ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. Les gens arrivent à faire confiance à leur psychologue, à leur banquier, à leur comptable, à leur chirurgien, à leur médecin, à leur boulanger, mécanicien, plombier et autres. Ils les laissent travailler sans poser de questions, suivent leurs directives et leur confient leur corps, leur santé, leur argent, leurs biens, les yeux fermés, mais ils remettent en question ce que Allah nous dit dans son livre sacré. Et Allah nous dit cela pourquoi ? Les masal et hina, pour obtenir la réussite fil dunya et fil akhira. C'est lui qui nous a créé, il sait bon, il sait ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. On en arrive même au point de lui désobéir en doutant de sa promesse et en faisant confiance au pseudo-savoir de la créature. Qul antum a'lamu am Allah. Dites, qui donc est plus savant, vous ou bien Allah ? Il n'y a pas un croyant qui osera le dire au contraire. Et pourtant, dans nos agissements, bilisan al-hal, na'mal bidhalika. Nos actes montrent comme si on se croyait plus savant que lui. Wali'azu billah. Toutes ces choses que Allah Azzawajal a mis sur terre à notre service, et parmi elles, une minorité nous ont été rendues illicites et nous sont haram. Des gens vont dire, pourquoi Allah l'a créé et l'a mis à ma portée, puis je dois m'en priver par la suite. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ben, pour nous éprouver afin d'agir et de savoir qui agira le mieux. Inna ja'alna ma 'ala al-ard zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Nous avons certes mis ce qui est sur terre comme parure afin de les éprouver qui donc agira le mieux. Car Allah ne nous a pas créé pour qu'on profite de la vie et n'en tirer que du plaisir ou pour faire ce qu'il nous plaît, mais pour l'adorer. L'ibadati. Et dans l'adoration, il y a at-ta'a, l'obéissance, faire ce qu'il a ordonné et délaisser ce qu'il a interdit. Donc Allah Azza wa Jalla nous éprouve et nous teste. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فالعذاب أليم. Ô vous qui avez cru, Allah va certes vous éprouver par un peu de gibier qui sera à votre portée et à la portée de vos armes, de vos lances, pour que Allah sache donc qui a peur de lui, c'est-à-dire en secret dans l'invisible, lorsque personne ne le voit. Et celui justement qui outrepasse après cela, il aura un châtiment douloureux. Pourquoi ? Car Allah dit « Ya ayyuhal ladhina amanu, la taqtulu as-sayd wa antum hurum. » Allah nous a interdit de tuer le gibier à Mecca alors que nous sommes en état d'ihram. Donc qu'est-ce qu'il va faire Allah Azza wa Jal ? Il nous prévient qu'il va nous éprouver. qui t'a interdit de tuer le gibier, et pourtant, malgré cela, il mettrait du gibier devant tes yeux. Que tu pourras obtenir par tes mains ou par tes armes. Est-ce que tu vas le faire? Il va voir si tu as peur de lui ou pas. Donc, la sagesse et le hikmah, ce n'est pas forcément savoir ce qu'on aime ou savoir ce qu'on veut. D'accord? Combien de choses est-ce qu'on apprécie et qu'on aime qui nous sont en réalité inutiles ou voire même nuisibles? Tadurruna. Et ça, savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut, même un enfant peut y arriver. Mais el hikmah, c'est de savoir ce qu'il nous faut, même si on ne l'aime pas. Savoir ce qu'il nous faut. Et ce savoir n'est qu'au point d'Allah Azzawajal, et il nous a donné qu'une partie qui est infime. Kutiba alaykumul qital wa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Que justement le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est détestable, vous n'aimez pas cela. Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous, tout comme il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et Allah sait alors que vous ne savez pas. Allah, il sait alors que vous ne savez pas. Même si une chose peut nous paraître déplaisante à nos yeux, cela ne veut pas dire qu'elle est mauvaise pour nous. Combien de choses on n'aime pas, un exemple, l'enfant, combien de choses qu'il n'aime pas sont bonnes pour lui. Tu vas donner à un enfant un plat de légumes verts cuit à la vapeur. Il va pas aimer ça, il va vouloir des frites, il va vouloir des bonbons, il va vouloir des choses, voilà, qui seront agréables dans son palais, et pourtant ces légumes sont meilleurs pour lui. Est-ce qu'on va écouter ce que l'enfant il a à dire? Non. Et l'enfant n'est qu'un début d'homme. Donc nous c'est pareil. Si cette chose, cet ordre, nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne peut apporter qu'un bien. Que l'on s'en rende compte ou pas. Si Allah nous donne de faire une chose, nous indique une chose et qu'il aime cette chose-là, elle ne peut être que bonne pour nous. يقول سبحانه ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعذون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Que si nous avions écrit, nous avions ordonné que vous vous tuiez, c'est-à-dire si Allah nous avait dit que nous devions nous tuer nous-mêmes ou nous sortir de nous expulser nous-mêmes de nos maisons, seulement peu d'entre nous l'auraient fait. Et si jamais ils avaient fait ce qu'il leur a été demandé de faire, cela aurait été meilleur pour eux et de plus fort affermissement. Et nous leur aurions donné donc de notre part une grande récompense et nous les aurions guidés vers un chemin droit. Allah te dit, même si tu avais demandé que tu te tues et que tu sortes de chez toi, peu l'auraient fait, et si jamais on l'avait fait, cela aurait été meilleur pour nous. Pour te dire à quel stade cela nous emmène à méditer. Combien d'exemples en cela ont été donnés? Lorsque Allah Azzawajal a voulu savoir aux malaïka qui était vraiment Iblis, où est-ce qu'allait Rabbuka lil malaïka, inni ja'alun fil ardi khalifa, qalu atajalu fiha, من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Lorsque ton Seigneur a dit aux anges, je vais certes mettre sur terre un successeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire appliquer mon ordre. Ils ont dit, vas-tu y mettre celui qui va semer le désordre, qui va faire couler le sang, alors que nous te glorifions pour ta louange et nous te sanctifions. Allah, il leur a dit, certes, je sais ce que vous ne savez pas. L'ange a eu un peu le savoir, quel était le hal de l'être humain. Mais il ne savait pas tout ce qu'il y avait à savoir. Pour preuve, Allah l'a dit à Adam, c'était le nom de toute chose, alors que les anges n'ont pas pu le faire. Puis, quand Allah subhanahu wa ta'ala, « وَاسْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَ اُسْتُيُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسْ أَبَى وَاسْتَكْبَرْ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. » Lorsque nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous pour Adam », ils sont tous prosternés. Hormis qui? Iblis, qui s'est enflé d'orgueil et qui était du nombre des mécréants. Donc, dans des tafsirs du verset, ils disent, lorsque Allah l'a dit, Inni alamu malata alamoun, je sais ce que vous ne savez pas, il a voulu montrer aux anges qui était Iblis, car Iblis était au milieu des anges, bien qu'il n'était pas un ange, il était un djinn, mais il était un stade honorable. Et les anges ne savaient pas qui, sa réalité, il leur a montré qui était Iblis en réalité. Voilà, Kaza, ça a été une épreuve pour Iblis. L'histoire de l'Khadir avec Moussa, alayhi salam, l'histoire du bateau, l'histoire du jeune garçon qu'il a tué, ou du mur qu'il a restauré. Lorsqu'il fut interrogé de ses actes, quelle fut sa réponse? أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. Il a dit quant au bateau, il appartenait à des pauvres qui travaillaient sur mer et j'ai voulu justement l'abîmer car je savais qu'il y avait un roi sur les mers qui prenait tous les bateaux en bon état. Donc, il a voulu préserver. En apparence, ça paraît comme une chose qui est blâmable et en réalité, ça a été un intérêt pour eux. قال وما الغلام فكان أبواه مؤمنين فرشينا أفرشينا أن يريكهما طغيانا وكفرا فأردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. Il a dit quant au jeune garçon qu'il a tué, il a dit que ses parents étaient des gens qui étaient croyants et nous avons craint justement qu'ils ne les fassent tomber dans le couffre, c'est-à-dire l'amour que les parents peuvent avoir pour l'enfant peut les amener à le faire dévier car l'enfant est une fitna pour les parents. Tamam. Donc il a dit nous avons voulu que leur seigneur le remplace cet enfant par meilleur. Donc, il a tué l'enfant pour que ses parents soient préservés de leur foi. Et, voire même, j'ai dit enfant, des versets ou des éléments prouvent que ce n'était pas un enfant en réalité, mais qu'il était déjà bas à lire. Il était déjà bas à lire. Il était déjà pubère. Non. Et il dit وما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. Il a dit quant au mur, il appartenait à deux jeunes orphelins dans la ville et il était enfoui sous ce mur justement un trésor qui appartenait à leur père. Et leur père était un homme pieux. C'est-à-dire qu'il avait laissé cela en héritage pour ses enfants. Et certains disent que c'était un grand-père, un de leurs arrière-grands-pères. Donc leur seigneur a voulu qu'ils atteignent justement leur puberté et qu'ils puissent extraire ce trésor. Et cela par miséricorde de ton seigneur. Et je ne l'ai pas fait de moi-même. C'est-à-dire que Al-Khadir a averti Moussa que ce qu'il a fait, ce n'est pas de lui-même. Ce n'est pas un ijtihad qu'il a fait ou quoi. C'est une chose qui vient de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il y a eu un khilaf entre les ulama pour savoir est-ce que le Khadir est un prophète ou pas, ils sont unanimes pour dire que ce qu'il a fait, il l'a fait par révélation d'Allah, Azza wa Jal. Donc Allah savait ces choses-là, Moussa lui-même ne l'a pas su. Et Khadir ne l'a su que parce que Allah lui a accordé le savoir. Combien de choses nous ont déplu en leur début et qui par la suite sont avérées être profitables en réalité. Unzuru, ta'ammalu qissat Yusuf alayhi salam, histoire de Yusuf alayhi salam. Malgré tout ce qui s'est passé, comme épreuve qu'il a subie, et dureté, difficulté, et son père Yaqub qui a patienté jusqu'à la fin, et en enduré, lorsque il lui fut annoncé la bonne nouvelle, que l'on mit le qamis sur son visage, et qu'il retrouvera la vue, « Maza qala Yaqub ?»« Qala, qala, alam akul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. » Nous avais-je pas dit que je savais d'Allah ce que je ne savais pas? C'est-à-dire qu'il est le savoir d'Allah que Youssouf était encore vivant. Il le savait. Et Allah lui a fait savoir. Et malgré cela, il a enduré tout, en entendant tout ce qui arrivait. Que Youssouf, soi-disant, a été mangé par le loup. Ou que par la suite, son frère Benyamin, Kazalik, a été pris par le Malik. Et ainsi de suite. Et malgré cela, il savait ce que Allah lui a fait savoir, que la bonne rétribution était pour les pieux. Combien d'épreuves avons-nous subies, malgré nous, que nous pensions être un malheur, et qui par la suite, nous ont en réalité apporté plus de bien que de mal? L'histoire de Moussa alayhi salam, qui était séparé de sa mère alors qu'il était encore enfant. Mais elle a obéi. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal a bien dit, Inna fil'aun ala fil'ard wa jira'la ahla shi'a'a. Que justement Fil'aun était oppresseur sur terre et qu'il avait justement divisé ses gens. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Et qu'il avait affaibli une partie d'entre eux de ces gens-là, qui étaient les fils d'Israël. Ils tuaient leurs fils et laissaient leurs femmes vivantes. Inna ukana min al-mufsidin, était certes du nombre des corrupteurs. Wa nuridu an namunna ala allazina stud'ifu fil ard wa najalahum a'immatan wa najalahum al-warithin. Et nous voulions, Allah a dit, il a dit que nous avons voulu gratifier justement ceux qui ont été affaiblis sur terre et en faire des imams et en faire des héritiers, c'est-à-dire qu'ils aient le succès, la succession sur terre. Tamam. Et pour wa nuriya fil'aun wa haman wa junudahuma منهم ما كانوا يحذرون montrer à Pharaon ainsi qu'à Haman ainsi qu'à leurs troupes ce qu'ils craignaient. Moussa alayhi salam a été éduqué dans la maison de Pharaon. Donc Pharaon tuait tous les enfants par crainte que Moussa ne vienne. Moussa a été mis sur les flots, laissé par sa mère. Quelle mère pourrait faire cela? Et pourtant, il a bien dit à Allah Azzawajal, Inna la raudu ilayki, wa jialum nil mursalin. Nous allons le renvoyer vers toi et on fera l'envoyer. Elle a obéi. Elle a su que Allah savait ce qu'elle ne savait pas forcément. Regardez l'histoire par la suite. Moussa est venu, a été la cause de la perte de Pharaon et de la sauvegarde des Bani Israël. Allahu Akbar. L'origine de l'histoire de la ville de Mecca et des rites du Hajj, notre Hajj, cet immense pilier de l'islam, ce rassemblement annuel sans inégal où les musulmans du monde entier veulent se rassembler, de tous les coins du monde. Comme l'a rapporté l'imam Bukhari sur Ibn Abbas, lorsque Ibrahim alayhi salam s'y est rendu ce moment avec la femme de avec la mère d'Ismaïl, Sarah. Mecca, quelle était-elle à l'époque? Un désert aride, sans vie, sans eau. Ibrahim a laissé seul Sarah avec son premier fils, qui était son fils unique, Ismaïl. Il n'était encore qu'un nouveau-né. Il a laissé auprès d'eux un peu d'eau et un peu de tamr. Après, ce n'est retourné. فَتَبِعَتُهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ Ibn Ismaïl s'est mis à le suivre. فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ. Elle a dit, oh Ibrahim, où est-ce que tu vas? Et tu nous laisses ici, dans cette vallée, qui est, dans laquelle il n'y a aucune vie, aucune personne, qu'il n'y a rien. فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا. Elle a répété cela, alors qu'Ibrahim, il marche, sans se retourner. Imaginez-vous la chose. وَجَعَلَا يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا. Ne se retourne pas pour lui parler. فَقَالَتْ لَهُ أَلَّهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِذَلِكَ. Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de faire cela? قَالَ نَعَمْ. Il a dit oui. قَالَتْ إِذَنْ لَيُدَيِّعُنَ اللَّهُ ثُمَ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ. Donc elle a dit, donc si jamais c'est Allah qui l'a ordonné, il ne va pas nous perdre. Et elle s'en est retournée en arrière. Ibrahim est parti. Regardez cette confiance. Lorsqu'elle a su que c'est Allah qui a dit de faire cela, elle dit que elle sait que c'est Allah, il sait, et qu'il y a une hikmah derrière. Et aujourd'hui, cela est devenu, tous les gestes, en particulier qu'elle a fait, entre Safa et Marwa, les allers-retours qu'elle faisait pour trouver de la vie ou de l'eau ou quoi, cela a été donné comme rite aux muslimines pour le Hajj. Regardez, alors qu'à la base, c'était un lieu qui n'avait rien. Regardez Mecca. C'est quoi Mecca aujourd'hui? C'était quoi auparavant? Combien d'exemples ont cela dans la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talha, radiallahu anhu, lorsque son fils est mort, son fils de Sulaym, et qu'elle lui a fait l'annonce avec sagesse, elle lui a apporté à manger, elle s'est fait belle, elle a dit, où est mon fils? Il a dit, où est mon fils? Elle a dit, il est plus calme qu'il ne l'a jamais été, alors qu'il était malade. Elle lui a pas dit qu'il était mort tout de suite. Et une fois que justement Abu Talha a mangé et eu des rapports avec elle, elle lui a fait l'exemple, elle lui a dit, Abu Talha, ra'aita law anna ahl baytin aharu ariyatahum, subatu liba minhum an yarudduhu, allahum ayamna'uhu. Elle a dit, ya Abu Talha, si des gens avaient emprunté une chose à des personnes, puis ces personnes réclament leur bien, serait-il permis à ceux qui ont emprunté de ne pas le rendre? Elle a dit non, ils doivent le rendre. Elle le dit donc, ihtabis waladak. C'est-à-dire, ton fils, Allah l'a récupéré, dans le sens. Et de là, Abu Talha, sur le coup, s'est mis en colère. Et par la suite, il s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a raconté ce qui s'est passé. Il lui a dit quoi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Arastum fil latikuma? Avez-vous eu des rapports cette nuit-là? Il a dit naham. Enfin, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu lakuma fil latikuma. Que Allah vous mette à baraka dans cette nuit. Car Soleil, regardez bien. Elle aurait pu lui dire depuis le début, ton fils, il est mort. Est-ce qu'après cela, vous pensez qu'Abu Talha aurait eu des rapports avec elle? Il n'aura pas eu de rapport avec elle. Il n'aura pas eu envie. Ni rien. Donc, elle a rien dit. Elle a laissé agir. Et après, le Nabi Sallam a fait un doha pour cette nuit qu'ils ont passée. Et par la suite, Umm Sulaym a eu un enfant qui s'appelait Abdullah, qui a été le palais gratté par le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. C'est le Nabi Sallam lui-même qui l'a appelé Abdullah. Et par la suite, un des tabi'in a dit que j'ai vu 9 enfants qui avaient tous mémorisé le Coran, tous encore enfants. Et ces enfants-là étaient tous les enfants de ce Abdullah. Regardez la baraka qu'il y a eu par la suite. Le premier fils est mort, mais un autre l'a remplacé et a porté un grand khayr par la suite. L'histoire de Fatima bint Qais, radiallahu anha, après qu'elle était divorcée, 3 fois, elle est partie voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui annonçant que Muawiya, radiallahu anhu, et que Abu Najm, Abu Jahm, sont venus pour la demande en mariage, la khidba. Elle lui a demandé conseil. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Amma Abu Jahm, fala yadur asahu an atiqi. Elle a dit, quant à Abu Jahm, il lui a dit, quant à Abu Jahm, il ne pose pas le bâton de son épaule, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui frappe les femmes. Donc il n'est pas un homme pour toi. Wamma Muawiyatu, fasul'uq, la mal lahu. Quant à Abu Muawiyah, c'est quelqu'un qui ne possède rien, n'a aucun argent, rien du tout. Il a dit quoi? Inkihi Usama ibn Zayd. Marie-toi avec Usama ibn Zayd. Elle a dit, fakarihtu, je n'ai pas voulu. Car Usama ne lui plaisait pas. À savoir que Usama, c'est un homme qui était noir de peau. D'accord? C'est un homme qui était noir de peau, donc peut-être peu plaisant à ses yeux à elle. Donc à ce moment-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit, انكحي أسامة معيت أبو أسامة فقالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت به elle a dit donc je me suis marié avec lui et Allah lui a mis un grand bien et j'en fus comblé pourquoi car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait de ce que Allah lui a fait savoir que l'homme qui convenait à Fatima c'était Usama alors que s'il n'avait pas demandé elle n'aurait jamais su elle ne serait jamais tournée vers lui. Même dans le divorce, à l'inverse, Allah yakul Allah azawajja fi kitabihi, fa in karahtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yajra Allah fihi khayran katheera. Et si vous les détestez, c'est-à-dire vos femmes, vous ne les aimez pas, c'est-à-dire le fait qu'il ne faille pas les divorcer sans raison, il a dit, il se peut qu'Allah lui ait mis un grand bien malgré tout, patience sur elle, tant que ça n'amène pas des choses qui nuisent à ta religion. Patience sur elle. Car combien de gens se sont précipités justement avec des femmes pour des défauts, des choses sur lesquelles on peut patienter ou quoi, ils les ont divorcés, d'accord, en disant, celle-ci ne me convient pas, ou kaza, des choses qui étaient à la base infimes, qui n'étaient pas vraiment importantes. Et la femme, elle avait une stikama, elle avait un khayr. Même, elle était la mère de leurs enfants. Malgré tout, ils se sont précipités à la divorcer. Il s'est passé quoi par la suite? Ils sont mariés avec des femmes qui sont devenues pires que les premières qu'ils avaient, ils ont regretté par la suite. C'était du regret. Du regret. Donc il a bien dit, فَإِنْكَرِحْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكَرَهُ شَيْئًا. Si jamais vous les détestez, il peut vous détester une chose dans laquelle Allah il a mis un grand bien. Dans laquelle Allah il a mis un grand bien. Abu Saïd, radiallahu anhu, justement, a rapporté qu'un homme s'est rendu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant que pour se plaindre que son frère était atteint d'un mal dans son ventre. Il a dit, le ventre de mon frère, il a dit comme s'il avait des coliques ou des diarrhées, des douleurs. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a eu, isqihi asalan, fais-lui boire du miel. Fasakahu, faqalani sakaituhu, falam yaziduhu ilestitlaqan. Il a dit, je le fais boire du miel, cela n'a fait que empirer son mal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fais-lui boire du miel. Il le refait boire du miel. L'homme est revenu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que ça n'a rien apporté de nouveau. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'a dit Sadaqallahu wa kadhaba batn akhik isqihi asala. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allah a dit vrai et le ventre de ton frère a menti. Fais-lui boire du miel. Il a fait boire du miel et de là il a été guéri. Donc regardez une fois de plus, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a su ce que cet homme ne savait pas et en apparence ça avait l'air de ne pas fonctionner. Il lui a dit, recommence. Et après il a affirmé que Allah l'a dit vrai, recommence, ça va fonctionner. Car des fois il faut persister, il faut insister. Il faut continuer, il ne faut pas dès le premier abord dire ça n'a pas fonctionné. Il faut patienter avant de voir des résultats parfois. Et de là, son frère a été guéri. Des gens sont devenus des anadika, sortis de l'islam. Pourquoi? À cause du hadith de la mouche apporté par Abu Huraira. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait encore un zubab ou fi sharab, ahadikum falyarmishu, thumma lamzahu fa inna fi ihda. Il a dit que si jamais la mouche tombe dans la boisson de l'un d'entre vous, alors qu'il la plonge, ensuite qu'il la retire, avant de boire, s'il veut boire, car il n'est pas obligé de boire, car dans l'une de ses ailes, il y a le remède, ou plutôt un poison, un mal, dans l'autre, il y a la guérison. Des gens ont dit, on a testé la mouche, on a tout regardé, il n'y a rien dedans. Même des gens qui sont affiliés à l'islam, ils ont dit, on n'a rien vu. Ce hadith, ils l'ont rejeté. Alors que c'est un hadith qui est muttafaqun alayhi, ou plutôt rapporté par Al-Bukhari, authentique. Combien de gens, ça se trouve, sont tombés malades à cause de cela? Ils n'ont pas vu. Allah ne t'a pas dit que si tu prends ton microscope, tu vas voir le mal. Il t'a dit qu'il y a un mal dans l'aile de la mouche. Que tu le vois ou pas. Pazalik, dans un hadith qui est venu que dans chaque année, il y a, dans une nuit, Allah Azzawajal fait descendre une maladie. C'est pour cela que le Nabi Sallam l'a dit, que le soir, il faut recouvrir tous les récipients. La maladie, quelle est-elle? On ne sait pas. Quand a-t-elle lieu? On ne sait pas. Quel est son mal? On ne sait pas. On t'a juste dit qu'il y a une maladie annuellement qui descend dans une nuit dans l'année. Donc toi, toute l'année, fais en sorte d'éviter ce mal en faisant quoi? Tu recouvres tous tes récipients. Ne serait-ce qu'en mettant, il a dit, un bâton sur la chose. C'est-à-dire, tu n'as pas de bouchon ni rien, tu mets un bâton sur, même si l'ouverture elle est large, mais un bâton, ce sera un geste, ce sera une cause. Les gens vont dire, ça à quoi je mets un bâton, ça va pas m'empêcher. Le Nabi Sallam lui-même l'a dit. Donc, agis en conséquence. Et ne cherche pas à trouver une logique. Il te l'a dit, c'est une voix haute, de voix authentique, agis en conséquence. Combien de gens tombent malades, des fois, ils ne savent même pas, c'est cette maladie qu'ils ont atteinte. Wallahi. Donc, on y croit. Hein? Combien de gens, est-ce qu'on en vit, alors qu'ils sont détestés auprès d'Allah Azzawajal, des gens pour leur dunya, pour ce qu'ils possèdent, pensant que c'est, que Allah les a gratifiés, alors que ce n'est pas le cas. Ce fut le cas de Karun. Karun qui a été envié par son peuple. Hein? Et ils ont dit quoi? Ya laytalana mithla ma utiya Karun, innahu lazu hazin azim. Ils ont dit pour nous que nous ayons comme ce que Karun a reçu. Il a certes reçu une grande part. Wa qala allazina utul ilm waylakum thawabullahi khayrun liman amana wa amila as-salihah wa la yulqaha illa as-sabirun. Et ceux qui ont la science, ils ont le savoir. Regardez bien, ce savoir, c'est le savoir Shal'i, légiféré. On parle pas de savoir de dunya, de médecine, ou ingénieur, architecture, ou, non, on parle du ilm shal'i. La science d'Allah Azzawajal par rapport à la religion. Ils ont dit quoi? Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour ceux qui ont cru et qui ont vrai dans le bien. Mais seuls les gens patients s'en rendent compte. Pour leur dire, ne soyez pas impressionnés par Karun. Ce qu'il a, ce n'est pas un bien pour lui. Pour preuve, par la suite, Allah dit que, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ que nous avons englouti lui, ainsi que tous ses biens ont été engloutis sur terre. Et que personne n'a pu le secourir. En dehors d'Allah. Donc, ils ont dit quoi, justement, ceux qui, après dans le verset, qui espéraient être à sa place, ils ont dit, يقولون وإكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدره ولولا أن من الله علينا لخسف بنا وإكأنه لا يفلح الكافرون. Ils ont dit, subhanallah, dans le sens que Allah vraiment donne à qui il veut, parmi ses serviteurs. Et que si Allah ne nous avait pas gratifié, c'est-à-dire nous préservant de ce que cet homme a reçu, nous aurions été engloutis comme lui. Et que certes, les mécréants ne réussissent pas. Donc ils ont envié cet homme-là, malgré le mal qu'il faisait, pour les biens qu'ils avaient. Et ils ont vu au final que cela était la cause de sa perte. Donc, qu'aurait-il eu s'ils avaient été à sa place? Ils auraient fini comme lui. Dans un hadith d'Abu Huraira, radhiyallahu anhu, il dit qu'il y avait une femme qui allaitait son enfant parmi les femmes de Bani Israël. Un nourrisson. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَرَّ. Elle a dit qu'un homme, justement, un cavalier passé auprès d'elle avec une apparence noble, une belle apparence. Et elle a dit quoi en le voyant, justement en étant impressionnée par son apparence? Elle a dit, Allahumma ij'al ibni mithlahu. Elle a dit, oh Allah, fais que mon fils soit comme lui. C'était un bébé, un nourrisson. Fataraka sadayha wa akbala ala raqib. Faqala Allahumma la taj'al mithlahu. Donc l'enfant, un nourrisson, il a lâché le sein, il a regardé ce cavalier. Il a dit, oh Allah, ne me rends pas comme lui. Summa akbala ala fadeiha, yamussuhu. Après, il s'est remis à téter. Summa marra bi amatin faqalat, Allahumma la taj'al ibni misla hadhihi. Après, une esclave qui était noire, également, comme dans le hadith, c'est venu à la fin, est passée près d'elle. Et après, elle a dit quoi, cette mère? Elle a dit, oh Allah, Fais que mon fils ne soit pas comme elle. Le fils, le nourrisson, taraka sadayha, il a laissé justement le téton pour regarder cette jeune esclave. Et il a dit quoi? Allahumma ja'alni mithlaha, oh Allah, fais-moi devenir comme elle. Ça, c'est un miracle parmi les miracles d'Allah Azza wa Jal, parmi les enfants qui ont parlé à la naissance. Faqalat lima dhalik. Elle a dit à l'enfant, pourquoi cela? Faqala raqib jabbarun min Al-Jababira. Il a dit justement, ce cavalier-là, c'est un tyran parmi les tyrans, un oppresseur. Malgré sa belle apparence, quelqu'un de mal. Tu vois? Dans le sens que la mère ne le savait pas, elle s'est basée sur les apparents. Pensant que c'était quelqu'un de bien, de riche, à l'aise, de... et pourtant non, c'était un homme de mal. Et quant à la Amma, l'esclave, il a dit justement, Yaqulun Sadekot Wazanait Walam Tafail, qu'elle a été accusée justement d'avoir volé et d'avoir forniqué. Donc elle a été opposée par les gens alors qu'elle était innocente. Ce qui va faire quoi? Que Allah va l'élever en degré. Donc l'enfant qui a parlé par le biais d'Allah Azzawajal comme miracle pour dire, regarde, cette personne-là que tu envies ne va rien t'apporter. Elle est une personne de mal. Cette personne-là que tu méprises, c'est une personne de bien aimée auprès d'Allah Azzawajal. Comme dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, marra rajulun, wa qala, il a dit aux sahaba, que dites-vous de un tel? Ils ont dit ça, c'est un homme noble parmi les Arabes. C'est quelqu'un qui a de l'importance. Si jamais il parle, on l'écoute. Et si jamais il intercède, on accepte de lui. Il est chafar ou chafar. Après, un autre homme est passé. Il a dit, Mazatakulun fi hada, que dites-vous de celui-ci? Il a dit, ça c'est Miskin Masakin et l'Arabe. C'est un pauvre parmi les pauvres des Arabes et parmi les muslimines. Quelqu'un, si jamais il veut se marier, personne ne va le donner en mariage. Et personne ne va l'écouter s'il parle. Et s'il intercède, personne ne va prendre en compte son intercession. Enfin, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّهَا مِثْلَ هَذَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ مَلَى الْأَرْضِ مِنْ ذَلِكَ. Qu'il a dit, celui-ci là, que vous avez vu comme étant une personne yani sans valeur, est plus aimé auprès d'Allah que la terre entière remplie du premier. Donc regardez comment on se bat sur des choses qu'on ne sait pas. Des choses qu'on ne sait pas. Donc, après tout cela, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À agir sans même réfléchir. Comment on fait les sahaba? Chose qui demande une grande force de foi, c'est certain. Ils ont dit, nous avons entendu, nous avons obéi, nous demandons ton pardon au notre Seigneur, et c'est vers toi qu'est le retour. Donc lorsque Allah t'appelle à une chose, et t'en donne une promesse, et te dit qu'il aime cette chose-là, agis. En mesure de tes capacités, agis. Ne regarde pas ce qu'on te dit à droite, à gauche. Même dans la hijra, il en est de même, Allah t'a promis mains abondantes, et t'as promis une grande récompense, agis. N'attends pas de regarder un tel, comment il a réussi, un tel comment il a fait, un tel combien d'argent il avait dans sa poche, et ainsi de suite. Ne regarde pas. Allah t'a promis maintes abondances. Maintenant, ces maintes abondances peuvent être différentes. Il se peut qu'elles soient des abondances et que tu ne t'en rendes pas compte. Comme on l'a dit, Inna Allah ya'lamu antum la ta'lamun, Allah sait, vous ne savez pas, et Allah te l'a promis. Et Allah a appelé cela, hein, maghanima kathira. Wasa'a. Abondance et largesse. Allah les a nommées de la sorte, c'est qu'elles le sont pour lui. Elles ne sont pas pour toi, elles le sont pour lui. Tant que tu sais que ça l'est pour Allah Azzawajal, alors, akbil ala bikalbik, wa amal bi. Et dans plein de choses, ne pas abandonner, délaisser, et de croire en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais on voit qu'elle s'accomplit vraiment pas, c'est qu'il y a un problème chez nous. C'est qu'il y a un problème chez nous. Et si jamais, on ne s'en rend pas compte, c'est peut-être qu'on l'a reçu, mais qu'on ne voit pas ce bienfait. Et si on ne le voit pas, on ne le remerciera pas. Et si on ne remerciera pas, il nous sera retiré. Et une fois qu'il nous sera retiré, c'est là qu'on verra ce qu'on avait comme khayr. Voilà le musta'an. Fabi adalkod naktafi. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha ilan tastaghfiruka wa atubu ilayk.